Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission différée, avec plein de très bonnes choses à s'écouter, comme d'habitude, me direz-vous, avec cependant quelques petites entrées en nouveautés. C'est 100% gras, hein, ce qu'on ajoute en nouveautés ce soir. On a notamment les monstres américains de Dying Fetus, les Danois de Undergang, les Ricains de Pen of Truth, etc., etc. On va présenter tout ça tranquillement tout au long de l'émission de ce soir. À noter un démarrage à fond de cale avec une doublette Dying Fetus Marduk. Dying Fetus, bien évidemment, les peu fréquentables, et a-t-on vraiment besoin de les présenter? Voilà, le trio Ricain qui nous balance un monstrueux nouvel effort studio. Et un break de 6 ans avant d'avoir cette nouvelle sortie. Hein, le précédent Vanguard Tfuequiz, pardon, était sorti il y a déjà 6 ans. Et bon, c'est tellement quali qu'on écoute, on réécoute, on réécoute les albums de Dying Fetus. Et le temps passant qu'on s'en rende compte. 9e effort studio, donc, c'est toujours aussi inspiré, efficace. La recette, elle évolue zéro. La pâte est reconnaissable entre toutes. Et c'est déconcertant d'excellence, encore une fois, sortie après sortie. 10 compos, à peu près 40 minutes, un putain de rouleau compresseur d'efficacité et de violence totale. Voilà, cette espèce de brutal death, un peu grindcore, un peu hardcore, enfin qui est toujours absolument parfait ce que nous propose Dying Fetus, l'excellence à l'état pur. Et en doublette, il y aura donc les Suédois de Marduk, l'increvable groupe de black suédois qui sort son 15e effort studio. 5 ans, mine de rien, se sont écoulés depuis le Victoria. C'est la première fois qu'ils mettent autant de temps à sortir un album. Ils sont sur une rotation normalement de 2-3 ans. Toujours un black très frontal, avec un équilibre absolument parfait entre mélodie et violence. Quelques petits passages légèrement mid-tempo pour respirer vite fait. Mais enfin voilà, c'est une doublette d'ouverture qui cartonne bien comme il faut. Dying Fetus, nouvel effort studio, Make Them Beg for Death, toujours bien sûr, Cherry Labs Record. Marduk, Memento Mori, une sortie Century Media, on s'écoutera le morceau Charlatan, c'est carrément plus fun en français. Et donc, juste avant ça, en ouverture d'émission, Dying Fetus, Cruelty for Compulsion. C'est parti, et bienvenue dans l'émission. Faces from the point they fled. A curse of the years, a sword cuts. Sentinel. Suivante, ces deux groupes, on s'est déjà diffusé tout récemment, Nasty et Biocancer. Nasty, tout d'abord, la formation de hardcore à Corbindon belge, qui vient de sortir son très inspiré 8e effort studio, Menace, qui était sorti en 2020. Personnellement, je l'avais un petit peu zappé, j'avais pas retenu grand chose de cet album. En revanche, le nouvel effort studio qui vient de sortir du côté de Century Media est, à mon sens, beaucoup plus inspiré. Ils se sont cependant amusé à réenregistrer des albums qui datent de leur premier opus, qui était sorti en 2006. Et donc, ce Heartbreak Criminal de Nasty est pour moi une totale réussite. Biocancer, ensuite, du trash, vient de Grèce, actif depuis bientôt 15 ans. Ils sortent là leur troisième effort studio. 8 ans se sont écoulés depuis le dernier effort studio longue durée. Pas de changement de line-up. Voilà, le groupe a vraiment pris son temps pour sortir son troisième album studio. C'est légèrement tech, des vocaux très criards de canard, voilà, qui agressent bien les oreilles. Chaque compo est assez généreuse, hein, un peu plus de 5 minutes. Ça, voilà, ça tape vraiment, même dans des petits relents proto-Black Death, dans le trash que nous propose Biocancer. L'album s'intitule Revengeance, une sortie Emerald Record, on s'écoutera le morceau Sweeping Life Away. Nasty, on s'écoutera le titre 9-11. C'est parti tout de suite, Nasty, Biocancer. Yeah. La doublette à venir, eh bien c'est tout d'abord un groupe qui a eu un chouette focus la semaine dernière qui va l'ouvrir, puisqu'il s'agit des Canadiens de Cryptopsy, l'excellent groupe de technical death metal qui nous sort un album d'une réussite totale et absolue. Voilà, actif depuis 30 ans déjà. Huitième effort studio qui sort là chez Nuclear Blast. 11 ans que le groupe n'avait rien sorti. Voilà, depuis leur album éponyme. Deux EP de 4 titres avec le jour en autoprod, histoire de voilà, relancer en douceur la machine. Cryptopsy, voilà, un putain de bijou que ce nouvel effort studio. Freya, ensuite, groupe de hardcore metalcore, le vrai entre guillemets metalcore, hein, celui issu du Melodeath, un hein, Pale Pleurnichard, qui nous vient de New York, formé il y a bah, plus de 20 ans, et qui vient de sortir là son sixième effort studio. C'est notamment emmené par Monsieur Karl Böschner, le gueulard à plein temps de Earth Crisis, et voilà, c'est pour ça que le groupe accuse autant d'années d'ancienneté. 11 titres pour 30 minutes à peine, metal hardcore bien old school, bien classique dans le style. Et puis voilà, on retrouve une foultitude de guests au niveau du chant. Et là, on retrouve la voix de Madball sur le titre que l'on s'écoute ce soir. Cryptopsy, Godless Deceiver, extrait de l'album As Gomorrah Burns. Freya, ensuite Fight as One, avec en duo donc Freddy Christian de Madball. Extrait de l'album du même nom, Fight As One, et c'est déjà disponible. C'est parti. Take out the children, On continue à égrener les petites nouveautés de l'émission de ce soir, doublette suivante, Asset et Crypta. Asset, donc, c'est une nouveauté dans l'émission de ce soir. Comment on pourrait vous les présenter ? De base, c'est donc du black metal, un projet à l'origine internationale, et c'est surtout la dernière signature du label français Nantais plus précisément, Les Acteurs de l'Ombre. Le line-up est plutôt mystérieux. Bon, quand on gratte un peu, on retrouve quand même à l'origine de la formation des Icos issus des Bordelais de 7, les Finlandais de Oransi Pasusu. On est sur une thématique ritualiste occulte égyptien. Voilà, tout un mystère autour de ce nouveau nom également. Hein, c'est pas un choix pour par hasard, je dirais, ce nom de groupe. Musicalement, puisque c'est ça qui nous intéresse, on est sur un black très frontal, très occulte, très sombre, très classique French Touch, avec, mine de rien, cette espèce de petite patte, hein, les Acteurs de l'Ombre, bien reconnaissables, et bien sûr, au niveau du line-up, voilà, comme déjà présenté, c'est des icônes d'expérience, et la recette prend très très bien. Crypta, ensuite, le groupe de Trash Death, Death Metal, qui nous vient du Brésil, formé en 2019, en parallèle... du groupe Nervosa, parce que voilà, c'est les deux Icos qui ont formé Crypta. Une formation 100% féminine, un quatuor bien vénère qui va taper dans le Death Trash Death des années 90, avec en grosse inspiration Morbid Angel, Death et même les vieux Vader. C'est catchy, au niveau des voix, ça défonce. Crypta à découvrir d'urgence si vous ne connaissiez pas encore. Asset, A Light in Disguise, extrait de l'album Astral Rape, sorti donc Les Acteurs de l'Ombre. Crypta, Lord of Ruins, extrait d'album Shades of Sorrow, et l'album est sorti chez Napalm Records. Yeah. Doublette du sale à venir avec une doublette là de nouveauté. Pain of Truth, tout d'abord, qui nous vient des US, groupe de hardcore dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça nous vient de New York, un EP, un split, et là le premier album vient de débouler chez Days Records. On commence à les voir sur plein d'affiches aux US, hein, tous les fests, les gros rassemblements du genre. Et surtout, on commence à les voir sur des tournées européennes. Le hardcore le plus classique et le plus efficace, mais in New York qui soit. Forcément, ça va parler aux oreilles sensibles à ce que peut nous proposer Terror, Hatebreed, etc. En version un peu plus jeune, si l'on peut dire, avec une hargne, du coup, qu'on retrouvait vraiment sur le premier Hatebreed et Terror. La particularité, c'est que sur chaque titre, on retrouve un à deux guest vocaux. Voilà, de nouveau, on aura l'occasion de s'écouter un morceau avec Freddy Kitchen de Madball, Scott Vogel de Terror, Jay Peta de Mindforce, Brendan Garon de Incendiary, etc., etc. Plein de zikos de cette grosse scène hardcore américaine qui est en pleine émulsion depuis 2-3 ans. Sur le titre de ce soir, c'est Monsieur Steve Bull, le gueulard, le grognard de 2000 Stab Wounds, qui vient apporter sa petite contribution au titre de Pain of Truth. En doublette, Undergang, le groupe de Death Baveux, actif depuis une quinzaine d'années, le groupe de Death Gordes, Ultra Pato. Voilà, ils sortent là un petit EP, 7 titres pour 21 minutes, d'un Death groovy, sale, doomy, violent, baveux, tout ce que vous voulez. Parce que je suis gros fan de Undergang. Pain of Truth, donc un extrait de l'album Not Through Blood, Acting Up, le titre qu'on va s'écouter ce soir. Undergang, Dots, extrait de l'album Devastator at 4Def, l'EP d'ailleurs, pas l'album, une sortie Dark Descent Records, c'est parti. I'm on a mission from God! Tell him you failed! Vous êtes toujours sur les ondes du Radio Béton du 93.6 dans le cadre de l'émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, et c'est déjà l'heure d'attaquer l'aspect française. Quelques petites pépites également dans cette spéciale. Que vont ouvrir les Tourangeaux de Totterfish, voilà le groupe de folk Black Death, hein, d'inspiration Thèmes et légendes pirates, à Speedo Kellon, c'est le nom de leur nouvel effort studio, le second album. On va s'écouter le très entraînant The Island, ça doit être un des morceaux les plus lumineux de l'album. Et en doublette, Blue House Nord, le groupe toujours de avant-gardiste black metal qui vient de Normandie. Deuxième volet de leur nouvelle trilogie Disharmonium to Nahab, une sortie déjà dispo chez DB Murmorty Production, et on s'écoutera le morceau The Crowning Horror. Et pareil, hein, si jamais vous voulez avoir un peu plus d'infos sur Totterfish, sachez qu'ils étaient en focus la semaine dernière.